Chapitre deuxième. La famille Jujube. Il est 8 heures du soir. Le dîner était prêt pour 7 heures suivant l'ordre rigoureusement donné, une fois pour toutes, par le maître de la maison, petit tyran qui avait signifié à la bonne sa volonté d'être servi au dos et à l'œil, à quoi cette fille avait répondu entre ses dents « Oh, à l'œil, non !» Athalie est à son piano, sa mère prête l'oreille. « Il me semble entendre la voix de ton père dans l'escalier. Non, je me trompais. Voyons si je l'aperçois. » Elle alla ouvrir la fenêtre, se pencha pour regarder au loin, puis sortira vivement, chassée par la pluie qui lui fouettait le visage. Madame Jujube est une petite femme de 42 ans, blanche et boulotte, aux yeux ardents, qui protestait contre cette théorie de son époux qu'à partir de 40 ans, une femme ne doit plus attendre de son mari que les manifestations calmes d'un sentiment platonique, et cette théorie, il l'avait strictement mise en pratique. La résignation contenue de l'épouse mise à la retraite d'âge, bien qu'en excellent état pour l'activité de service, cette résignation se trahit par les baisers qu'elle donne aux amis de la maison, particulièrement au plus beau mâle. À ceux-ci, elle saute au coude à leur arrivée, et ils ne voient dans cet accueil que la démonstration bruyante d'une amitié excessive et chaude. Que dire de la fille? Pas grand-chose. L'insignifiance, assez gentille, puérilement vaniteuse, à l'exemple de ses parents, mais au fond bonne fille, et capable à l'occasion d'un grand dévouement, comme nous le verrons plus tard. Athalie n'avait jamais eu d'enfance, c'est-à-dire qu'elle n'en avait jamais connu les jeux. À 7 ans, son père l'avait assise devant un piano pour lui donner les premiers éléments de cet instrument funeste, car ainsi que nous l'avons déjà dit, il avait la prétention, outre sa peinture, d'être musicien, poète et chanteur. Aux gammes succédaient les leçons d'écriture, de grammaire, d'histoire, de géographie, que l'homme universel lui donnait lui-même par économie. Heureusement, car c'eût été de l'argent perdu. La fille, au rebours du père qui croyait tout savoir, n'ayant jamais pu rien apprendre. Quant aux travaux d'aiguille, il n'en fut même jamais question. Jujube ayant déclaré qu'il n'élevait pas sa fille pour qu'elle eût à raccommoder les chemises de son mari ou à mettre des boutons à ses culottes. Par contre, Athalie causait de tout, répétait des bribes de conversation auxquelles elle se mêlait à l'âge où l'on joue à la poupée. Aussi disait-on qu'elle causait comme une petite femme, seulement elle s'arrêta là. À 20 ans, elle cause encore comme une petite femme, et tout porte à croire que lorsqu'elle sera grand-mère, ses raisonnements seront toujours ceux de la femme de 12 ans. « Madame, vint dire la bonne, voilà 8 heures. Si mon rôti est brûlé ou calciné, ça ne sera pas de ma faute. « Servez, répondit madame, puis à sa fille, « Nous n'attendrons pas ton père, c'est incroyable. Sortir par une pluie battante, aussitôt son déjeuner, et n'être pas rentré pour l'heure du dîner. Il sait que ce soir, il doit nous venir quelques amis. Voyons, tu n'en finiras pas de ton piano. Papa veut que je joue ce morceau-là chez madame de la Rousse Tamponne. C'est après-demain, et je ne le sais pas très bien, et puis je veux l'essayer ce soir. Comment s'appelle-t-il, ton morceau ? Ça s'appelle « Comme un éclair ». Je ne peux pas venir à bout de faire l'éclair. » Et elle essaya. « Brrr ! Il n'est pas brillant, ton éclair, » dit madame Jujube. « Ce jeune homme qui est venu pour son portrait m'a fait perdre 2 heures. » Il espérait toujours que ton père allait rentrer, et puis nous nous sommes trouvés en connaissance. Sans cela, je me disais aussi quand il est entré, mais j'ai vu ce jeune homme-là quelque part. Oh, moi je l'ai reconnu tout de suite, tu sais. Je te l'ai dit, c'est le monsieur qui était à table à côté de moi à la noce d'Adrienne. Je me le suis bien rappelé, il a dansé avec toi plusieurs fois, et il m'a invité aussi. Il est très aimable. Oui, dit Athalie, et très spirituel. Oh, spirituel, je ne m'en suis pas aperçu. Mais si, maman, il m'a fait rire tout le temps. Il paraît qu'il va acheter une pharmacie. Il m'a demandé de lui donner notre pratique, quand nous aurons besoin, soit d'une iadigeneuse ou de n'importe quoi, qu'il nous vendrait au-dessous du tarif. C'est très gentil de sa part. Certainement. Est-ce que tu crois qu'il reviendra ce soir? Oh, j'en suis sûr, pour trouver papa. Il m'avait dit d'abord qu'il dînait avec un de ses amis, un jeune homme qui est très farceur à ce qu'il paraît. Je l'ai engagé à l'amener, ajoutant que ça arrangerait tout. Alors il m'a promis de venir avec lui. Un coup de sonnette se fit entendre. Ah, enfin, voilà ton père, dit madame Jujube. En effet, c'était le maître de la maison. Il n'y avait pas à s'y méprendre, à la façon dont il dit « Essuie bien mon parapluie avant de l'étendre. » Juju m'entra. « Ma robe de chambre, vite » ordonna-t-il en quittant sa redingote. « Ma manche droite est inondée. Mon parapluie a goûté dessus. Ah, mes pantoufles, j'ai les pieds dans l'eau !» Madame Jujube lui passa sa robe de chambre ornée du ruban de la Légion d'honneur et lui chaussa ses pantoufles en tapisserie, faites par elle-même, sur le dessus desquelles elle avait brodé une croix du même ordre. « Je suis allé au musée Grévin pour m'abriter, » dit notre légionnaire. « C'était comble. Eh bien, croiras-tu que pendant 2 heures que j'y suis resté, je n'ai vu que moi, de décoré. Aussi tout le monde me regardait. Ah, à propos, comme je sortais, j'ai trouvé sous la porte marocain qui n'avait pas de parapluie et s'était abrité. « Lui as-tu parlé de Georgette, papa ?» demanda vivement Athalie. « Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'elle est fâchée ?»« Aucunement, elle a beaucoup d'ouvrages, voilà tout. »« Ah, tant mieux. Tu l'as dit que je l'aimais beaucoup et que ça me faisait de la peine de ne pas la voir. » »« Je lui ai dit que tu l'adorais. Voyons, on ne dîne donc pas ?» Justement, la bonne vint annoncer que le dîner était servi. La famille passa dans la salle à manger et l'on dîna à la hâte, les dames n'ayant que bien juste le temps de s'habiller pour recevoir leur monde. Athalie sortira de table la première. « Il est venu un jeune homme pour un portrait, » dit Madame Jujube. « Un jeune homme qui était la noce de Mademoiselle Boulabert, qui m'a fait danser 2 fois. Il a bien promis de revenir ce soir, il doit même amener un de ses amis. Espérons qu'il ne fera pas comme d'autres personnes, qui elles aussi étaient venues pour leur portrait, et qui, ne te trouvant pas, ne sont jamais revenues. C'est très contrariant de manquer comme cela à gagner. Nous avons pourtant besoin de... Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» interrompit l'artiste, avec le ton de mauvaise humeur des gens qui se savent dans leur tort. « Est-ce que je peux deviner combien viendra tel jour, à telle heure ?»« Les personnes qui ont affaire à des peintres, » dit timidement Madame Jujube, « pensent qu'on les trouve toujours à leur atelier. » Jujube frappa violemment du poing sur la table. « Assez ! Est-ce que je ne suis pas maître de sortir quand bon me semble ?»« Mais, mon ami, je ne t'ai pas dit. Formellement, non. Mais je comprends à demi-mot, et l'allusion était assez claire. »« Je t'assure, mon ami, que... » « Assez !» répéta notre tyran domestique. Puis, après un long silence, il parla de la soirée de Madame de la Roustemponne, du succès qui aurait Athalie avec son morceau comme un éclair, que d'ailleurs, il le lui ferait essayer ce soir devant quelques personnes. Puis il ajouta « Prie donc Madame de la Roustemponne d'amener le plus de jeunes gens possible à notre prochaine soirée. » À ce propos, on causa d'Athalie et des dépenses faites pour la produire dans le monde. « Ce sont des dépenses nécessaires, » dit le père. « Je sais bien, mon ami, » répondit la mère. « Du moment que nous acceptons les invitations de nos amis, nous sommes obligés nous-mêmes, naturellement, et puis nous avons une fille à marier. Oui, malheureusement, nous avons beau aller dans les soirées, en donner nous-mêmes, nous ne trouverons pas de mari. On sait qu'Athalie n'a pas de dot. »« Pas de dot ?» s'écria Jujube avec colère. « N'est-ce donc rien que d'être musicienne, instruite, fille de Jujubes, le peintre d'histoire, chevalier de la Légion d'honneur, dont les soirées artistiques et littéraires sont si recherchées ?» Et frappant de nouveau sur la table, il cria « N'est-ce donc rien que tout cela ?» Madame Jujube, qui partageait les vaniteuses illusions de son mari, suréchérit encore sur les avantages qu'il faisait ressortir avec tant d'ardeur. Elle cita leur relation avec des gens du meilleur monde, ayant 30, 40, 50 000 francs de rente, et affirma qu'on n'avait que l'embarras du choix parmi les candidats à la main d'Athalie. En effet, il s'en était présenté déjà 8, qui, eux, n'avaient éprouvé aucun embarras dans leur choix. Ne trouvant pas une compensation à la dot absente dans l'honneur d'avoir un beau-père décoré depuis la robe de chambre jusqu'aux pantoufles, ils avaient demandé à réfléchir et choisi, sans hésiter, une épouse dans les riches connaissances de la famille Jujube à qui l'un d'eux avait envoyé la lettre de faire part. Le lendemain, il reçut la réponse suivante. « Monsieur, j'ai reçu votre lettre de faire part. Elle est là devant moi. Tout à l'heure, elle sera derrière. Je vous salue. Jujubes. » Pour l'instant, les deux époux avaient, pour leur fille, des vues de 2 côtés. Ils pensaient d'abord à une riche cliente, Mademoiselle Pied-de-Vache, qui se faisait peindre par Jujube tous les 5 ans et se peignait elle-même au pastel tous les jours. Maintes fois, elle avait parlé, pendant les pauses, d'un neveu, son seul héritier, avait fait des allusions au sujet d'Athalie, et on ne doutait pas que ces allusions ne fussent des ballons d'essai. Aussi lui envoyait-on de fréquentes invitations tant pour les grandes soirées que pour les réunions intimes. L'autre époux, des idées matrimoniales duquel on ne doutait pas, c'était M. Catpus, jeune savant, plein d'attention pour Athalie qu'il comblait d'éloges et de prévenances pour Mme Jujube, à qui déjà il avait apporté des bouquets, galanterie très significative. Il ne tarderait sans doute pas à se déclarer ce soir, peut-être, car on espérait le voir. Il arriva le premier et les deux époux virent, dans cet empressement, un nouvel indice des dispositions qu'il lui supposait. M. Catpus était un jeune homme grave. Il entra, portant avec gravité un bouquet, qu'il offrit gravement à Mme Jujube, laquelle s'extasia sur la beauté des fleurs dont il était composé. « Ce sont des orchidées, » dit-il, et il expliqua que cette herbe vivace appartient à la famille des monocotylédum, laquelle est divisée en 7 grandes tribus, les malaxidés, les épidendrés, les vendés, les orphidés, les néotiers et les cypripédiés, dont la racine est accompagnée de tubercules charnus, ovoïdes ou globuleux, et la tige garnie de feuilles engainantes naissant de rameaux nommés pseudobales. « Oh, pseudobales, c'est délicieux !» dit Madame Jujube. Elle allait probablement embrasser Catpus pour pseudobales, lorsque la bonne annonça Madame Saint-Sauveur. La maîtresse de la maison courut au-devant de la visiteuse. « Oh, que c'est aimable à vous !» dit-elle, et ce furent des caresses à n'en plus finir. « Madame de la Dolve !» cria la bonne. Et Madame Jujube quitta Madame Saint-Sauveur pour la nouvelle venue. « Oh, que c'est aimable à vous !» lui répéta-t-elle. Puis arrivèrent successivement d'autres dames qu'elle accueillit avec le même empressement, les mêmes minauderies et le même « Oh, que c'est aimable à vous !» Et naturellement, elle leur présenta le jeune et illustre savant, M. Catpus, qu'elles félicitèrent de confiance. L'une des dames, ayant aperçu le bouquet, s'extasia sur sa beauté. « C'est une galanterie de monsieur !» dit Madame Jujube, ce sont des orchidées. Quand vous êtes entrées, mesdames, M. Catpus me décrivait ce genre de fleurs. C'est extrêmement intéressant. Je regrette bien que vous n'ayez pas été là pour entendre cette savante définition. Je crois, dit Jujube, que si ces dames le priaient bien, M. Catpus, qui est la galanterie même, recommencerait pour vous. Catpus alla au-devant du geste suppliant esquissé par les visiteuses. Je vous en prie, mesdames, dit-il, je suis trop heureux. « Ah, bravo !» dit Madame Jujube, « mais d'abord un verre de punch !» ajouta-t-elle, en voyant entrer la bonne portant un plateau. Les dames Jujube présentèrent les verres de punch, et bientôt le jeune savant reprit la parole. Arrivé au point où il était resté, « Tenez, mesdames » continua-t-il en montrant une des fleurs. « Voyez, au centre de cette fleur s'élève une sorte de columelle. »« Oui, oui !» répondirent les dames. « Columelle, dites-vous ? » demanda Madame Jujube. « Oui, columelle, » dit Jujube, enchanté d'étaler son savoir, du latin columna, colonne. « Pas précisément, » répondit Catpus, « mais de columella, petite colonne. »« Enfin, c'est toujours une colonne, » répliqua Jujube, qui n'avait jamais tort. Catpus reprit. « Columelle est le nom donné, en botanique, à l'axe vertical de quelques fruits, qui persistent, après la chute de leurs autres parties, comme dans le géranium. » En conchyologie, on nomme aussi columelle l'espèce de petite colonne qui forme l'axe de toutes les coquilles spirales. Cette sorte de columelle se nomme gynostème. « Oh, gynostème !» exclama Madame Jujube avec enthousiasme. « Gynostème !» Catpus continua. « Au sommet du gynostème, on trouve, excepté dans le genre cypripédium, Madame Jujube allait se pâmer sur cypripédium quand on annonça messieurs et Madame Blanquette. Elle eut un mouvement d'humeur et Jujube laissa échapper un « ah » d'impatience. « On ne les voit à peu près jamais, » dit-il à demi-voix à sa femme, « et aujourd'hui que nous avons des visiteurs distingués. » La famille Blanquette fit son apparition. Le chef était une espèce de nabo rougeau et grassouillet qui formait un singulier contraste avec son épouse grande comme le hasard et plus maigre que la plus éthique des pages de la Bible. Près d'elle marchait Mademoiselle Léonie, leur fille, et près de son père, le jeune Léon. Léonie a 18 ans, Léon en a 11, et tenant de sa mère, il dépasse déjà son père de toute la tête, ce qui n'empêche pas l'auteur de ses jours de le tenir par la main. Quant à son embonpoint, il fait songer à une longue paire de pincettes culottées. Au moral, il est ce qu'on appelle vulgairement un grand serin. Monsieur Blanquette, sous-chef du bureau au ministère des Travaux publics, est un homme de mœurs paisibles, n'allant jamais au café et occupant ses loisirs à exercer en simple amateur l'art de l'horlogerie que ses parents avaient refusé de lui faire apprendre, préférant pour lui, et aussi pour leur amour-propre, qu'il entrât dans l'administration. Il s'était adonné à une spécialité plus facile que les montres et les pendules, les réveils matins, et il reconnaissait les invitations à dîner de ses amis par l'hommage de ses produits. Ses seuls livres familiers étaient des traités de mécanique, ses meubles étaient couverts de rouages, de timbres et de vis. Quand il allait avec sa famille passer la soirée chez des amis, il emportait dans un petit sac des pièces d'horlogerie, des outils, se mettait dans un coin et travaillait de son art favori, pendant que d'autres jouaient au whist ou faisaient de la musique. Enfin, il avait surnommé sa femme Grand Ressort, son fils Cadran et sa fille Cuvette. Madame Blanquette se courba en deux pour embrasser les dames jujubes. Athalie accapara Léonie, l'emmena causer à l'écart, et Blanquette s'empara tout de suite du maître de la maison pour lui expliquer la rareté de ses visites depuis si longtemps. Il cherchait un nouveau système d'échappement pour ses réveils matins. « Je l'ai enfin trouvé !» ajouta-t-il d'un air triomphant. « Il ne me fallait peut-être pas 2 heures pour faire mon expérience, et je la voulais ce soir même, mais ma femme m'a dit « Allons, tu vas encore nous empêcher d'aller chez nos amis, Jujubesse. » Alors je lui ai répondu « Allons-y, je finirai ça chez eux. » Et j'ai apporté mon petit sac. « Je me mettrai dans un coin, vous savez, ça ne dérange personne, qu'on ne s'occupe pas de moi. » « Eh bien, installez-vous où vous voudrez, » répondit Jujube. « En attendant, prenez un verre de punch. Il est excellent. » Cadran entraîna son père vers le plateau, et Jujube retourna vers Catpus qui, à ce moment, répondait aux remerciements des dames qu'il était trop heureux. Jujube insinua qu'on fatiguait peut-être le savant. Catpus protesta, mais les dames qui avaient suffisamment de gynostème, de cypripédium et d'épidendrée appuyèrent l'artiste, allèrent se grouper dans un coin du salon, tirèrent qui sa broderie, qui sa tapisserie, et les langues ne tardèrent pas à marcher avec autant d'activité que les aiguilles, tandis que dans un autre coin, Jujube tenait l'homme qu'il espérait amener, par des allusions, à se déclarer. « Seul, la vie est bien triste, lui dit-il, car vous vivez seul, je crois. Seul avec une vieille bonne. Et vous prenez vos repas au restaurant. Bien mauvaise nourriture. Ou alors, fort coûteuse, si vous allez dans des établissements renommés. Non, ma vieille bonne me prépare mes repas. Alors vous mangez seul. Je lis en mangeant. Faute d'une compagne, je conçois cela, mais la table de famille, le père, la mère, les enfants sont choses préférables. Sans doute, sans doute. Une femme instruite, à qui rien de ce qui fait l'attrait de la causerie n'est étranger, qui est musicienne. Vous aimez la musique ? Beaucoup. J'ai même fait un travail sur la musique des anciens, sur la musique religieuse, sur la musique des sauvages. Ça doit être très intéressant. Extrêmement intéressant. Au fait, dit Jujube en se levant, je ne sais pas pourquoi Athalie ne nous fait pas un peu de musique. Et il cria, Athalie, on demande que tu joues quelque chose. Oui, oui, firent les dames. Elle va jouer comme un éclair, dit Madame Jupiter. Pendant ce temps, moi, je vais m'occuper du thé. Elle sortit. « Il faut que je t'appelle pour te mettre au piano, » dit à demi-voix Jujube à sa fille. « C'était donc bien intéressant ce que te disait cette petite grue de Blanquette. »« Oui, très intéressant. Elle m'a confié qu'elle se marie. »« Ah !» fit Jujube avec dépit. « Une fille sans talent, sans fortune, pas jolie. »« Qui diable peut s'allier à cette famille d'idiots ? Un cordonnier ? Non, un employé qui a une bonne place. Elle veut m'avoir pour demoiselle d'honneur. »« Jamais !» s'écria Jujube. « Nous nous excuserons pour refuser l'invitation si nous la recevons. Voyons, mets-toi au piano. » Athalie s'installa, et Jujube tourna les pages du morceau de musique, suivant son habitude, afin de pouvoir adresser à sa fille des apartés qui, entendus de la société, eussent pu refroidir l'enthousiasme final attendu. « La bémol, donc, fichue bête, plus de sentiments, ça n'exprime rien, pianissimo, trop fort !» Tu ne sens donc rien d'Inde, buse. Ah, si je n'étais pas probablement ton père, je ne sais pas de qui tu tiendrais. » Tout à coup, le morceau fut interrompu par des cris de douleur, et Cadran, fou et perdu, montra sa main à laquelle adhérait un verre de punch qu'il ne pouvait plus retirer. La main qu'il contenait s'était enflée démesurément. Au fond du verre était un papier brûlé. « Ah, mon Dieu !» s'écria Madame Blanquette. « Il s'est fait une ventouse. »« C'est les camarades qui m'ont appris ça !» hurlait Cadran. « Oh, ma main !» On lui retira non sans peine le malencontreux verre. Sa mère le traita d'imbécile et l'envoya à la cuisine. « Demande de l'eau froide à la bonne, » lui dit-elle, « et plonge ta main dedans. » Cadran sortit, et Athalie alors put reprendre son morceau, qu'elle termina à la satisfaction générale, sauf celle de son père. Madame Jujube entra au milieu des applaudissements. « Elle a joué comme un éclair ?» demanda-t-elle à son mari. « Elle a joué comme un cochon, » répondit-il à voix basse, et il ajouta « Les Blanquettes marient leur fille. » Puis, très haut, « Extrêmement bien, ma fille, un charme, un sentiment. »« Ah, » dit-il à quatre puces, « elle a le feu sacré, ce sera une grande artiste, qui fera honneur à son mari. »« Il est certain, » répondit quatre puces, « qu'avec ses talents et la fortune que lui gagne si glorieusement son illustre père, mademoiselle fera de son mari l'époux le plus envié. »« Blanc, » se dit notre artiste, que cette nouvelle déception empêcha d'aspirer l'encens du mot illustre. Et les Blanquettes trouvent un mari pour leur fille, eux. » Et Jujube cherchait une réponse empreinte de fine ironie pour en blesser quatre puces, lorsqu'Athalie commença un autre morceau à la demande des dames, et Jujube retourna à son poste de tourneur de feuilles. Le nouveau morceau fut, comme le précédent, interrompu par les cris de Blanquette fils. « Allons, qu'est-ce qu'il a encore ?» demanda la mère. Cadran entra, pâle, défait, et la langue tirée, au bout de laquelle pendait, et se balançait une bouteille qui avait contenu du sirop. Il avait fourré sa langue dans le goulot. En aspirant, il avait fait le vide et sa langue était restée prisonnière. « Ah, quel galopin embêtant !» grommela Jujube. « C'est toujours la même chose. »« Ma langue, ma langue !» faisait Cadran. « On va être obligé de te la couper, » dit la mère. « Non, non, je ne veux pas !» et il tira sur la bouteille. « Alors tu vas te l'arracher, » ajouta Madame Blanquette. Quant à l'horloger, rien n'avait pu le distraire de son travail. « Je veux qu'on casse la bouteille !» criait le galopin. Bref, on dégagea sa langue comme on avait dégagé sa main, et Athalie reprenait son morceau quand un carillon se fit entendre. Tout le monde sursauta. « Ça y est !» cria Blanquette. « Ça y est !»« Mais arrêtez donc ça !» vociférait Jujube. « C'est déplorable !»« Un enfant insupportable, un père qui jette le trouble !»« Mais, mon cher monsieur !» balbutia Blanquette. « Un salon n'est pas un atelier d'horlogerie, » répliqua Jujube avec emportement. « Quand on veut faire de l'horlogerie, on reste chez soi. »« C'est bien, monsieur, » dit Blanquette en ramassant ses ustensiles. « Vous ne me direz pas cela deux fois. »« Tu as raison, » cria sa longue épouse. « Allons-nous-en, et ne remettons jamais les pieds ici. »« Comme vous voudrez, » fit Jujube, et la famille Blanquette se retira majestueusement. Après un moment de trouble causé par cet incident, « Ne nous occupons plus de ces grotesques, » dit Jujube. « Continue ton morceau, ma fille. » Et Athalie se remit à son piano. Au milieu du morceau, la porte s'entr'ouvrit doucement et Pistache entra avec précaution, accompagné de Bengali. Il fit signe de la main qu'on ne s'occupa pas de leur arrivée et qu'on les laissa écouter Athalie. Puis il dit tout bas à Bengali avec émotion, « C'est elle qui joue. »« Ah, c'est votre adorée ?» « Oui, chut, ne perdons pas une note. » Et il écouta l'exécutante avec un enthousiasme que trahissaient ses gestes et ses exclamations. « Ah, bravi, brava !» Puis, après un nombre incalculable de mesures de l'interminable morceau, « Comment trouvez-vous ça ? » demanda-t-il à son ami. « Bigrement long, » répondit celui-ci. « Ah !» fit Pistache, déconcerté. « Vous n'aimez peut-être pas le piano ?»« Moi ? » ?»« Si, seulement je le comprends autrement. » « Ah, oui, j'en ai un à la campagne. Il y était avec le mobilier. J'ai acheté la propriété toute meublée. »« Ah, et alors, le piano ?»« J'en ai retiré la mécanique et j'ai mis des lapins dans la caisse. Voilà comment je comprends le piano. »« Quel est ce grand monsieur qui est près de votre virtuose, dont le visage exprime le noble spleen des lords ?»« Je ne le connais pas. »« Je le regrette. Je vous aurais prié de me présenter à lui. Il a l'air gai. » Le morceau finit et applaudit, particulièrement par Pistache, qui se fit remarquer par ses transports d'admiration, Madame Jujube dit à son mari « C'est ce monsieur qui est venu pour son portrait. » Jujube alla exprimer à notre jeune homme tous ses regrets d'avoir été absent. « Oh, monsieur, » répondit l'élève pharmacien, « votre absence m'a valu une invitation et la joie d'entendre mademoiselle. Quel talent, monsieur! J'ai entendu bien des fois Dumaine, Taillade, Paulin, Meynier, et je peux dire, sans comparaison, en effet, « Monsieur, » répliqua Jujube en souriant, « La comparaison, Madame Jujube s'était rapprochée. « Vous nous avez fait le plaisir d'amener un de vos amis, monsieur ?»« Sur l'invitation de mademoiselle, oui, madame. »« Vous avez bien fait, » dirent les deux époux. Bengali s'inclina. « Monsieur Bengali, » dit Pistache en présentant son nouvel ami. « Ici, nouveau salut. » Pistache continua. « Un jeune homme de beaucoup d'esprit. »« Oh !» fit Bengali. « Vous exposez, monsieur et madame, à des déceptions. »« Non, non !» répliqua Pistache. « Vous m'avez fait rire pendant notre dîner, avec toutes les calembourdaines que vous m'avez débitées et tous ces tours de société que vous faites et qui sont à mourir de rire. »« Ah, vraiment ?» fit Madame Jujube. Et elle courut annoncer à ses invités qu'un jeune homme, amené par un client de son mari, faisait des tours de société à mourir de rire. « Oh, il nous en fera !» dirent les dames. « Je l'espère !» répondit la maîtresse de la maison. La bonne apporta le thé et les petits fours. Athalie et sa mère présentèrent les tasses pleines, sans manquer de dire à chaque personne « C'est du thé de la porte chinoise. Prenez donc de ces petits gâteaux, ils sont de chez Frascati. » Et Bengali, qui avait déjà jugé ses hôtes, de se demander « Où diable cet apothicaire m'a-t-il amené ?» Et il refusa le thé. « Vous ne l'aimez pas, monsieur ?» demanda Athalie. « De la porte chinoise. » « Mademoiselle, je ne l'aime que brûlant. Si je peux le boire, je n'en veux pas. » Cependant, sur l'insistance d'Athalie, il accepta une tasse et un gâteau. Pendant qu'il se livrait à la dégustation de ces choses de premier choix, le peintre causait avec son futur modèle du portrait à faire et on fixait le premier jour de pause. Madame Jujube vint interrompre l'entretien. « Puis-je dire un mot ?» demanda-t-elle. « Oui, monsieur et moi, nous sommes d'accord pour le prix et les heures de séance. Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Je voulais demander à monsieur si son ami ne nous ferait pas un de ces tours de société si amusants dont il nous a parlé. Ces dames en seraient bien heureuses. « Je suis convaincu, madame, » répondit Pistache, « qu'il se fera un vrai plaisir de vous être agréable. Je vais le lui demander. » Et il s'approcha de Bengali. « Je viens vous exposer une requête de toute la société. »« À moi ? Mais personne ne me connaît ici. Que peut-on avoir à me demander ? On sait que vous connaissez un tas de tours très drôles et... » « C'est vous qui avez dit cela ?» demanda Bengali avec une parfaite mauvaise humeur. « Mais oui, oui. Que le diable vous emporte. On veut que j'amuse ces grotesques. » Pistache fut tout interdit. « C'est que j'ai fait espérer, j'ai même promis... Jamais de la vie. Je fiche mon camp d'ici, par exemple. Comment ? On se figure que pour une tasse de thé de la porte chinoise et un croquet de chez Frascati, je... » À ce moment, Athalie approcha. « Je viens en ambassadrice auprès de monsieur qui fait, paraît-il, des tours de société si amusants. Ces dames espèrent que... »« Mon Dieu, mademoiselle, » dit Bengali, « je n'étais pas préparé à... » Madame Jujube et ses amis, qui suivaient de l'œil les négociations entamées par Athalie, devinant au geste du monsieur si amusant des objections que l'intelligence limitée de l'ambassadrice serait impuissante à vaincre, arrivèrent toutes à la rescousse et arrachèrent à Bengali un consentement qui fut accueilli par de joyeux battements de mains, et toutes les dames retournèrent à leur place en disant « Ah, il veut bien, il veut bien !»« Voyez-vous comme tout le monde est enchanté ?» dit Pistache. « Oh, vous me faites bien plaisir. J'aurais été si vexé de votre refus, parce que vous comprenez, ça me mettra bien dans la famille. Mais vous serez récompensé par un succès monstre. Tâchez de trouver quelque chose de bien drôle. » « Ah bon, je vois que vous réfléchissez. » Bengali cherchait dans sa tête une mystification colossale. « Des imitations, » lui conseilla Pistache. « Vous m'en avez fait pendant notre dîner. Vous savez bien, celle d'une clé dans une serrure qu'on ferme à double tour, celle d'une bouteille qu'on débouche, celle de... Ah oui, des imitations, vous avez raison. » Pistache courut tout joyeux, annoncer à la société que son ami Bengali allait faire des imitations très drôles. Cette bonne nouvelle fut accueillie par des bravos, pendant que Bengali se disait « Je les attends au dernier tour ». Il s'avança au milieu du salon, et après s'être incliné devant les joyeux battements de mains avec lesquels il fut accueilli, il demanda une bouteille vide et un tire-bouchon. La bonne apporta les deux objets, il plaça alors la bouteille entre ses jambes, fit tourner le tire-bouchon dans le goulot vide, puis, feignant de tirer, avec des efforts comiques et une torsion de bouche qui mirent tout le monde en belle humeur, le bouchon absent, il imita avec sa bouche le « pop » retentissant causé par la sortie pénible d'un bouchon trop serré. des bravos unanimes accueillirent cette onomatopée saisissante. Après ce tour, notre farceur demanda un tabouret de cuisine. Il le déposa les pieds en l'air, fit le geste de prendre à terre une grosse bûche, mima le bassillement causé par l'enlèvement d'un lourd fardeau, plaça sans cesse la bûche entre les pieds du tabouret, mit son pied dessus, comme pour l'assujettir, puis, saisissant des deux mains une scie imaginaire et en présentant la lame au milieu de la bûche supposée, il imita le bruit de la scie au rire fou et au battement de mains de l'assemblée en délire. « Monsieur, demanda Catpus, est-ce que vous pourriez imiter un timbre de pendule ?»« J'imite tous les timbres, monsieur, répondit-il, même les timbres poste. » Tout le monde rit, excepté le questionneur qui, comme Caton, son modèle, n'a jamais ri. Quant à l'intelligente Athalie, elle demanda comment on pouvait bien imiter un timbre poste. « De la même façon qu'on imite les billets de banque, mademoiselle, » répondit Bengali. « Seulement, on s'expose à aller au bagne. C'est pourquoi je m'abstiens de faire cette imitation. Mais vous n'y perdrez rien. Je vais exécuter le tour nommé la surprise, parce qu'en effet, personne ne s'attend à ce qui arrive. » Une nouvelle manifestation joyeuse se produisit à l'énoncé d'un résultat mystérieux et imprévu. « Pour faire ce tour, » dit notre mystificateur, « j'ai besoin de divers objets. » Il demanda une ficelle longue de 5 à 6 mètres, des bougies, un moulin à café et un cours de chasse qu'il avait vu dans l'antichambre, pendu à un clou, accessoire à l'usage de l'artiste pour les portraits de chasseurs. Ces divers objets lui ayant été apportés, Bengali fit tenir un bout de la ficelle par M. Catpus, l'autre bout par Jujube, rangea les dames côte à côte le long de la ficelle et leur mit à chacune une bougie allumée, plaça au milieu d'elle Mme Jujube armée du moulin à café et mit en face d'elle et à distance Pistache qu'il chargea du corps de chasse. La mise en scène ainsi préparée à la grande gaieté des comparses de l'opérateur, celui-ci donna comme instruction à Mme Jujube de mondre, à Pistache de souffler dans le corps de chasse, et il sortit pour préparer soi-disant la surprise, affaire de quelques minutes, ajouta-t-il. Il y avait un bon quart d'heure que Mme Jujube tournait son moulin et que Pistache soufflait dans son instrument. On s'était d'abord tordu de rire, mais on commençait à se regarder et à trouver bien long les préparatifs du tour lorsque la bonne annonça Mademoiselle Pied-de-Vache. La nouvelle venue resta stupéfaite en voyant le tableau qui s'offrait à ses yeux. « Excusez-nous, mademoiselle, » cria Jujube. « C'est un tour que va nous faire un jeune homme qui nous a amené monsieur, qui joue du cor. »« Oui, mon ami Bengali, » ajouta Pistache. « Mon neveu ?» dit Mademoiselle Pied-de-Vache. « Votre neveu ?» s'écrièrent monsieur, madame et mademoiselle Jujube. « C'est votre neveu ?»« Oui, et je viens de le rencontrer à 100 pas d'ici, qui racontait je ne sais pas quoi à plusieurs jeunes gens. Ils riaient tous comme des fous. »« Tableau, »